Dans cette édition de l'émission à succès, La Connexion. Un Britannique est accusé de harcèlement sur Facebook. Apple est la compagnie américaine la plus admirée. Le compteur de Donjons et Dragons n'est plus. Et du linge qui se répare tout seul. Vous savez plus tout de suite, choisissez votre personnage, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et je vais vous accompagner pendant deux heures pour parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans quelques minutes, ça va être le fil jeux vidéo. On va parler entre autres d'une compagnie Iron Lore qui ferme ses portes et quelques détails sur le tournoi de Super Smash Bros. Brawl. Mais avant, voici une pièce de téléphérique Lego System au 89.fm dans vos oreilles. La rue s'éveille. Le jour me lève, me change et me revêt. Mon uniforme ciel est gris. Rendu dehors, je deviens n'importe qui. Dans l'écosystème, personne ne regarde autour de lui. We'll be right back. La 11e position des palmarès francophones de C'est fou, c'était Téléphérique et Lego System, ici à la Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, ben, c'est le fil jeux vidéo, donc parlons des nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique depuis la semaine dernière. Une triste nouvelle qui donnera un coup de vieux à bien des joueurs dans la trentaine et la quarantaine, dit branchez-vous.com. Gary Gygax, celui qui a mis au point avec Dave Arneson le premier jeu de rôle au début des années 70, est décédé à l'âge de 69 ans le 4 mars. Gary Gygax a écrit et édité plus de 75 jeux et livres depuis le début de sa carrière dans les années 60. Ses réalisations les plus connues sont la création du premier jeu de rôle Donjons et Dragons, puis son édition AD&D, le monde fantastique de Greyhawk, mais aussi les 7 romans issus de la série Gord the Rogue. On le considère avec raison comme le père du jeu de rôle. Incommodé par un léger infarctus en 2004, Gary Gygax est sorti de sa semi-retraite l'année suivante pour travailler à titre de consultant pour la compagnie québécoise Alchemic Dream. Donjons & Dragons a certainement été une influence importante dans l'industrie du jeu vidéo, une multitude de jeux de rôle ayant vu le jour dès le début des années 80, notamment Rogue, Ultima, Wizardry, Bard's Tale, Might and Magic ou encore Dungeon Master. Il a fallu attendre la fin des années 80 pour voir émerger les premiers jeux sous licence AD&D, les fameux Gold Box de SSI, dont Pool of Radiance, puis vers la fin des années 90, des titres utilisant éditions ultérieures des règles de AD&D virent le jour, notamment Baldur's Gate et Neverwinter Nights, dit l'article. Même les Japonais ont été influencés par Donjons & Dragons, on n'a qu'à penser aux séries Dragon Quest et Final Fantasy. L'article continue en disant « Je garderai certainement un bon souvenir des soirées de Donjons et Dragons auxquelles j'ai pu être convié lorsque j'étais un adolescent. Et vous, avez-vous de bons souvenirs de AD&D? » C'est ce que demande l'article. Donc allez voir le www.unechance.com pour laisser vos commentaires. Il y a beaucoup de gens qui laissent des petits souvenirs sur l'article. Une autre mauvaise nouvelle dans l'industrie du jeu vidéo, le développeur Iron Lore Entertainment a annoncé qu'il a fermé ses portes. C'est pas dans le même registre, mais bon. Cette fermeture date du 19 février, mais le studio ne l'a rendu public qu'en date du 28 février. Il semblerait que Iron Lore n'ait pu sécuriser un montant d'argent suffisant pour son prochain projet, ce qui a mené à son démantèlement, dit ArtGamers.com. Iron Lore Entertainment s'est surtout fait connaître pour avoir développé Titan Quest et son expansion Titan Quest Immortal Throne. Le studio a aussi récemment conçu l'expansion Soulstorm pour le jeu Warhammer 40,000 Dawn of War. ADN, dans les commentaires d'ArtGamers, dit « C'était une sacrée bande de seniors en plus. Plusieurs gars là-bas avaient travaillé sur Neverwinter et sur Age of Empire, donc c'était de vieux gens qui étaient là depuis très longtemps. » Toujours dans le domaine des mauvaises nouvelles, c'était une mauvaise journée pour SSI ainsi que ses actionnaires en date du 29 février. La firme a annoncé qu'elle a annulé 14 de ses projets futurs en plus de réduire son personnel de 25%. Il est impossible de savoir quels sont les jeux qui ont été annulés, mais selon SSI, et je cite, « il était peu probable qu'ils génèrent un retour satisfaisant sur leur investissement ou qu'ils soient de qualité appropriée ». Selon les informations rendues disponibles en date du 29, la compagnie concentrera ses efforts sur des franchises bien établies dans l'industrie, dont Tomb Raider, Deus Ex, Hitman et Championship Manager. De ce fait, la majorité des effectifs de la firme sera désormais concentrée au Canada, à savoir dans les studios de Eidos Montréal et au sein du studio de London de Eidos. On sait que le studio montréalais de la compagnie travaille en ce moment sur le jeu Deus Ex 3. Avec cette grande réduction de personnel, SSI emploie désormais 800 personnes. Selon le PDG Phil Rogers, ce changement était nécessaire afin de rehausser les standards de la compagnie et de répondre à la demande de ses actionnaires. Avec cette coupure dans son personnel et la relocalisation de la majorité de ses effectifs, SSI espère réduire ses coûts d'opération de près de 27,8 millions de dollars américains. Ensuite, une autre nouvelle de Jean qui change de place. C'est son départ de Sony Computer Entertainment. Avec quelque peu surpris, il semble que Phil Harrison, n'a pas tardé à se trouver un point de chute encore plus surprenant, dit ArtGamers. En effet, celui qui était à la tête des studios de développement de Sony Computer Entertainment, voilà quelques semaines encore, a été nommé directeur général délégué de Infogrames Entertainment. Il se rapportera directement au directeur général exécutif, le CEO de l'entreprise française. L'objectif de Phil Harrison sera de faire rentrer la branche édition d'Infogrames dans l'ère de l'interactivité, entre guillemets. Félix, dans les commentaires, dit « Wow, méchante drop » de Sony Computer Entertainment jusqu'à Infogrames Entertainment. Tournons-nous vers Nintendo. Il y a deux semaines, le site JXP.ca révélait en primeur que Nintendo Canada planifiait un tournoi de Super Smash Bros. Brawl dans différents magasins EB Games du pays. Eh bien, la compagnie dévoile les détails complets de l'événement maintenant. EB Games et Nintendo of Canada tiendront un tournoi national dans certains EB Games. Les inscriptions débuteront la date même du lancement du jeu, soit le 9 mars 2008. Dans quelques jours à peine, les qualifications et demi-finales seront tenues dans divers magasins EB Games de Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Halifax. La finale se déroulera à Toronto. Les gagnants régionaux se déplaceront par invitation de Nintendo. Des prix relatifs à Super Smash Bros. Brawl seront offerts à tous les demi-finalistes. Le grand prix consiste en un voyage pour deux personnes au Nintendo World Store de New York, où le gagnant pourra dépenser 500$ à sa guise. Ouais, d'accord, 500$. On n'achète pas grand-chose avec ça chez Nintendo, mais bon. Les qualifications auront lieu les vendredis de 17h à 21h, ainsi que les samedis et dimanches de midi à 16h. Les dates prévues sont du 4 au 6 avril, du 11 au 13 et du 18 au 20. Les demi-finales régionales se tiendront respectivement les samedis 26 et 30 mai. 26 avril, oui, et 30 mai, aux heures ci-haut mentionnées. Pour connaître les détails et règlements du tournoi, allez voir le Nintendo.ca/Brawl, Nintendo.ca/Brawl, ou passez par l'article sur le site de la connexion au www.unechance.com, unechance.com, unechance.com. Le bureau de la concurrence japonais a effectué jeudi dernier des perquisitions chez les compagnies de produits électroniques Sharp et Hitachi, soupçonnées de s'être entendues sur les prix des écrans ACL de la console de jeu Nintendo DS. Les inspecteurs du bureau de la concurrence japonais ont fouillé plusieurs bureaux et usines de Sharp ainsi que d'Hitachi, selon ce qu'a confié un agent à l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat. Les deux seuls fournisseurs des petits écrans de Nintendo DS sont soupçonnés d'avoir ajusté leur prix depuis environ 2005, soit depuis qu'Hitachi fournit des écrans à Nintendo. Selon la loi japonaise, si les compagnies étaient reconnues coupables, elles devraient payer une amende représentant 10% des ventes du produit dont les prix ont été ajustés. Le montant total des ventes n'a pas été divulgué, mais Nintendo a vendu environ 64,79 millions de consoles de jeux portables Nintendo DS et Nintendo DS Lite depuis son lancement en 2004. Le porte-parole de Nintendo, Yasuhiro Minagawa, a affirmé à l'Associated Press qu'il était trop tôt pour commenter l'impact de ces allégations et que la compagnie ne savait toujours pas si elle changerait de fournisseur pour ses écrans à cristaux liquides. Téléfilm Canada a annoncé qu'elle tiendra une seconde journée « Ma carrière en jeu » dans la ville de Québec le 29 mars prochain, selon ArtGamers.com. Cet événement qui se tiendra entre 10h et 16h à l'hôtel PUR Pur, 395 rue de la Couronne, visera à faire connaître aux jeunes quelle carrière ils peuvent envisager dans l'industrie du jeu vidéo. Plusieurs conférences se tiendront au cours de cette journée, ces dernières étant présentées par plusieurs acteurs influents de l'industrie. Au programme, la journée accueillera des conférenciers de Activision, Ubisoft, Freemaster Studio, Umagade, Binox Activision et Sarbacane qui présenteront les divers métiers de l'industrie. Quelques institutions d'enseignement, dont l'Université Laval et le Cégep de Limoilou, seront aussi sur place pour répondre aux questions des visiteurs. En plus de conférences, la journée permettra aux visiteurs de faire l'essai des meilleurs jeux conçus au Québec à l'aide de bornes, donnant à des consoles, des téléphones portables ainsi que des ordinateurs. À noter que des prix de présence sont aussi tirés tout au long de la journée. Par ailleurs, le vendredi 28 mars de 14 à 16 heures aura lieu à l'hôtel Pur une conférence donnée par des intervenants de l'industrie et l'intention de conseiller en orientation des cégeps et des écoles secondaires. Tous les participants seront ensuite conviés au cercle pour un 5 à 7 agrémenté d'un concours Rock Band. Donc voilà, si ça vous intéresse, pour aller voir plus de détails sur la programmation de la seconde journée Ma carrière en jeu, allez voir le www.fc3a.com, fc3a.com, ou passez par unechance.com pour aller trouver l'article. Voilà donc, si ça vous intéresse, allez faire un petit tour à cette journée. L'équipe de Kojima Productions a dû couper dans certaines portions du jeu Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots afin qu'il puisse être contenu dans un disque Blu-ray. Imaginez, c'est du moins ce que l'assistant producteur du jeu Ryan Payton a déclaré dans une entrevue dont les propos ont par la suite été confirmés par Hideo Kojima. Selon Payton, malgré la capacité de stockage 6 fois plus grande du Blu-ray par rapport au DVD, ce format ne peut contenir assez de données afin d'offrir tout ce que Kojima Productions voulait inclure dans le jeu. Le studio a donc dû couper dans certaines options, ce qui fait notamment en sorte que les versions nord-américaines et européennes du jeu n'auront pas les voix de la version japonaise, malheureusement. Hideo Kojima, dans une entrevue accordée au magazine japonais Famitsu, a par la suite avoué qu'il n'y avait pas assez d'espace sur un disque Blu-ray et que son studio a toujours pensé à couper et quelle portion du jeu compresser. Voilà. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots est prévu pour le 12 juin prochain sur la PlayStation 3. Quelques nouvelles de la Game Developers Conference, tout en annonçant une affluence record de 18 000 visiteurs pour la Game Developers Conference 2008. Les organisateurs de l'événement viennent de donner les dates de la prochaine édition. Elle se tiendra donc du 23 au 27 mars 2009, soit avec un mois de décalage par rapport à celle de cette année qui était en février. Elle prendra une fois de plus cadre, pour cadre San Francisco aux États-Unis et son Moscone Center. Un choix tout à fait prévisible, dit GameCult.com après la lecture de la récente entrevue avec Jamil Moledina sur leur site. Allez voir ça si ça vous intéresse. C'est l'entrevue de Jamil Moledina, qui est Executive Director de la Game Developers Conference. Toujours au sujet de la GDC, dans un entretien accordé à Côte à Coup, monsieur directeur justement de la Game Developers Conference a déclaré que l'édition 2009 de l'événement pourrait être réservée aux journalistes dotés d'une invitation seulement. Selon lui, trop d'individus sont parvenus à obtenir un accès, oui, au salon cette année, alors que le journalisme n'était pas réellement leur emploi à plein temps. Une situation qui pourrait donc changer dès l'an prochain avec un tri plus sélectif, un peu à la manière de la nouvelle formule de l'E3. Voilà qui fait le tour des nouvelles de jeux vidéo dans le bloc Fil Jeux Vidéo. Voici maintenant les jeux les plus loués la semaine dernière dans les Super Clubs Vidéotron. En cinquième, on retrouve Assassin's Creed sur Xbox 360. En quatrième, c'est Burnout Paradise sur la Xbox 360. En troisième, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare sur la 360. En deuxième, c'est Turok sur la 360. Une seule console qui règne sur tous les autres. Toutes les autres. En numéro 1, le jeu le plus loué la semaine dernière dans le Super Club Vidéotron, c'est Devil May Cry 4 sur la 360. Vous écoutez La Connexion au 89.1 FM. Give her a smile, hey. Pointed chase, wind on my face. I light a cigarette. Engine is roaring and roads are steaming. Hearts are glowing, freedom is forever. Angels cannot fall and devils won't be good. We're just gonna is denied, the sky's our guide, and we cannot be confined, no. Numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou cette semaine. Power Pops et Thelma & Louise. Vous êtes à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est l'heure du fil science et technologie. Parlons pour commencer de iPod. L'Abilene Christian University, la CU, offrira dès cet automne un iPhone ou un iPod Touch à tous ses nouveaux étudiants pour faciliter leur éducation. Et je cite, à la CU, les nouveaux étudiants vont utiliser un iPhone ou un iPod Touch pour recevoir des alertes aux devoirs, répondre à des sondages et des quiz pendant les cours, obtenir des directions vers les bureaux des professeurs et vérifier leur solde à la cafétéria, en plus de pouvoir utiliser 15 autres applications développées dans le cadre de ce projet. Nous ne faisons pas que fournir un outil à la fine pointe de la technologie, nous fournissons également les applications web pour s'assurer que ces outils deviennent essentiels à l'éducation des étudiants. C'est ce que précise le chef du service de l'information, Kevin Roberts. La CU a travaillé pendant une quinzaine de mois pour développer ce programme. En entrevue avec un journal local, Bill Rankin, un professeur à l'université ayant participé à l'élaboration de ce projet, il avait affirmé le mois dernier que ces outils sont désormais les couteaux suisses des salles de classe. Ils facilitent la recherche et la communication d'une façon inégalée jusqu'à présent. Donc voilà une bonne idée. iPod Touch, iPhone, pour tous les étudiants. Toujours au sujet du iPod, battement de la paupière suffit pour changer de chanson sur son iPod à l'aide d'une télécommande japonaise originale qui fonctionne en un clin d'œil. L'appareil utilise des capteurs qu'on fixe à ses lunettes ou à des écouteurs capables de détecter le mouvement de la peau produit par le clignement de l'œil de l'utilisateur. Les capteurs à infrarouge relaient ensuite un signal électrique qu'un micro-ordinateur interprète pour gérer un lecteur iPod d'Apple. C'est ce qu'a expliqué Kazuhiro Taniguchi de l'école de sciences et génie de l'université d'Osaka. Il est responsable du développement de ce qu'il appelle Konekami Switch ou Temple Switch. Le mode d'emploi est simple, il suffit de cligner fortement d'un œil pendant une seconde pour reculer une chanson ou de se servir de l'autre pour passer à la prochaine pièce ou encore de fermer les deux yeux pour les fonctions pause et play. De dire le chercheur à l'agence Reuters. Il semble qu'il ne soit pas possible de se retrouver à écouter une chanson non choisie en clignant accidentellement. Par contre, son créateur affirme que le système se comporte de façon tout à fait fiable, que l'on mange, parle, marche ou court. M. Taniguchi a précisé que le clignement naturel ou accidentel produit des mouvements qui se distinguent de ceux d'un clignement intentionnel et ces différences peuvent être reconnues par un ordinateur. Parions donc, dit l'article, parions que des personnes témoins de tel clignement d'un utilisateur de iPod risquent de ne pas s'y retrouver aussi clairement qu'un ordinateur dans la teneur du message oculaire. Oh, le flirt va se faire aller. Oh ouais. Oh, ça va être comme du axe, ça va attirer les filles. Petit clignement d'œil. Oh yeah. Journal de Montréal maintenant, un article du Journal de Montréal très intéressant. L'article, et je cite, « Merde, votre belle chemise neuve s'est déchirée sur le devant. Qu'à cela ne tienne, vous la mettez sur un cintre que vous suspendez dans le placard en attendant qu'elle se répare toute seule. Le lendemain, le trou dans le linge est complètement disparu, comme par magie. Une nouvelle matière élastique qui se répare d'elle-même sans être collante a été récemment découverte par des scientifiques français après 8 ans de recherche. La substance est composée de molécules qui s'assemblent en réseaux supramoléculaires, lesquels, s'ils sont rompus à cause d'une coupure, se regroupent et se réassemblent d'eux-mêmes pour retrouver leur forme et leur élasticité initiale. » Donc, on voit une vue microscopique dans l'article. La coquille coupée laisse écouler les molécules réparatrices. De petites molécules rassemblées en réseau peuvent alors être considérées comme une seule et très grande molécule auto-cicatrisante. Le matériau peut résister à des températures allant jusqu'à 150 degrés Celsius. Les petites molécules utilisées offrent un polymère d'une très grande élasticité et pouvant supporter une déformation totalement réversible. Ces petites entités sont synthétisées à partir d'acides gras d'origine végétale, comme le pain, le tournesol, le maïs et le colza. Grâce à cette nouvelle chimie moléculaire, toutes sortes d'articles pourront se réparer tout seuls après l'auto-cicatrisation et être réutilisés. D'ici un ou deux ans, des produits auto-réparables pourront être mis sur le marché, des vêtements, des matériaux de construction, des jouets en plastique et de l'asphalte pour les routes. Voilà, si ça vous intéresse, pour voir les photos qui accompagnent l'article du Journal de Montréal, allez voir le www.unechance.com, unechance.com. L'article s'appelle « Du linge qui se répare tout seul ». Et finalement, un autre article du Journal de Montréal. Sony a mis en vente la semaine dernière, en fait, c'était le 29 février, voilà. Pas le 30 ni le 31, non. Sony a officiellement mis en vente au Canada le tout premier téléviseur à écran OLED, beaucoup plus mince et plus performant que les écrans à cristaux liquides ou plasma actuels. Pour l'instant, toutefois, il faut des poches très bien garnies. Dévoilé dans un magasin de Sony du centre-ville de Montréal, le XEL-1 possède un petit écran de 11 pouces mesurant à peine 3 mm d'épaisseur. Inutile pour l'instant d'espérer remplacer la télé du salon par un tel écran. Par contre, le modèle de 11 pouces est le seul disponible à l'heure actuelle et aucune date n'a été fixée pour la venue d'autres formats. À l'occasion du dernier Consumer Electronics Show, le CES, en tout début d'année à Las Vegas, Sony a présenté un modèle avec un écran de 27 pouces. L'entreprise, et je cite, est encore en recherche et développement pour améliorer la rentabilité de la production de ces modèles. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole de Sony, Guy Séguin. Sony Guy Séguin. Pour l'instant, le coût de tels écrans est en effet assez prohibitif. Le modèle mis en vente exclusivement dans les magasins Sony coûte 2 500 $. Reconnaissant que le prix n'est pas à la portée de toutes les bourses, M. Séguin a expliqué que le produit vise principalement les grands amateurs de gadgets connus sous le nom de Early Adopters, les gens qui adoptent les produits un petit peu trop tôt, certains pourraient dire. C'est le téléviseur de demain, c'est ce qui va prendre le marché d'ici quelques années, c'est ce qu'il a dit cet homme. Par rapport aux écrans plats à cristaux liquides ou au plasma actuel, les écrans OLED comptent en effet plusieurs avantages significatifs, outre la minceur et se distinguent nettement au niveau de la rapidité d'affichage, de l'économie d'énergie, de la luminosité et du contraste. Sur ce dernier point le plus blanc que peut afficher l'écran est 1 000 000 de fois plus brillant que le point le plus noir. Les meilleurs écrans actuels sont limités aux environs de 13 000 fois. C'est ce qu'a souligné M. Guy Séguin de Sony. Hein? Sa ferme de télé, la ferme de M. Séguin. On s'en va entendre une pièce de Petit Big sur les palmarès de C'est Fou. Vous écoutez La Connexion à C'est Fou 89.1 FM. C'est l'émission la plus rapide au monde. Bobine 1, piste 1. Inquiétude et plainte. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Je recule dans un monde palpable. Sa poitrine est une sécurité. Le plaisir est une magie concrète. Mon univers n'est que géométrie. Mais tout ce qu'on se classe. Parce qu'ils écoutent l'émission la plus rapide au monde, La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, le bloc Cybercrime, on va parler de liberté d'expression qui ne protège pas les courriels aux États-Unis et aussi de partage de fichiers. 70% des utilisateurs cesseraient après un avertissement de leur fournisseur Internet. Ils sont sages, quand même. C'est sage. Vous êtes fin. Ouais. Tellement fin que je vous donne du taxi nouveau dans vos oreilles. de Manuel Chantre, alias Taxi Nouveau, la pièce Créatine Contine. Si vous voulez plus d'informations, c'est myspace.com/Taxi Nouveau. C'est super bon et c'est disponible chez Archambault. Maintenant, c'est l'heure du bloc Subacrime. Les nouvelles qui ont marqué le monde de tout ce qui est croche en technologie cette semaine, des choses illégales, des choses qu'on ne devrait pas faire. On commence aux États-Unis. La liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution américaine ne permet pas l'envoi de pourriel selon une décision rendue par la Cour suprême de Virginie dans la première cause anti-pourriel de l'État. La Cour suprême confirme donc les jugements rendus en novembre 2004 et en cour d'appel ensuite qui condamnaient Jeremy James à 9 ans de prison pour avoir violé la Virginia's Anti-Spam Act, première loi du genre aux États-Unis introduite en 2003. Et je cite, « C'est une victoire historique dans la lutte contre le crime en ligne », c'est ce qu'a affirmé le procureur général de Virginie, Bob McDonald. Selon lui, les pourriels ne font pas que remplir les boîtes de réception des logiciels de courriel, mais nuisent également à la productivité, frustrent les citoyens et menacent la révolution en ligne qui est si importante à la prospérité économique de la Virginie. Ça, c'est une citation. Le jugement contre Jeremy James a été adopté à 4-3. Selon la juge dissidente Elizabeth Lacey, la loi anti-pourriel est, et je cite, « inconstitutionnellement trop large puisqu'elle interdit l'envoi anonyme de n'importe quel courriel en vrac, même ceux contenant des opinions politiques, religieuses ou d'autres formes d'expression protégées par le premier amendement de la Constitution américaine. » Selon un sondage britannique, 70% des utilisateurs qui utilisent les réseaux P2P, le partage de fichiers, cesseraient leurs activités de piratage si leur fournisseur Internet leur lançait un avertissement après les avoir pris sur le fait. Le sondage financé par le groupe d'avocats spécialisé dans les médias Wiggin arrive à un moment où le Royaume-Uni examine la possibilité d'adopter une loi où les internautes piratant des fichiers non libres de droit pourraient se faire débrancher d'Internet après avoir été avertis 3 fois par leur fournisseur d'accès. Même malgré les risques de poursuite, la majorité des utilisateurs britanniques jugent très improbable le risque de se faire prendre et continueraient de partager les fichiers même s'il y avait plus de poursuites. Poursuites, oui. Le sondage de Wiggin laisse donc entendre qu'un simple avertissement beaucoup plus simple et plus rapide qu'une poursuite en cours serait encore plus efficace que ces dernières. Comme le rappelle le blog spécialisé Ars Technica, toutefois, il n'est pas certain qu'un tel mécanisme de filtrage fonctionne vraiment, qu'il respecte la vie privée, qu'il soit possible d'éviter les faux positifs comme les gens qui partagent des fichiers légaux par les réseaux de partage de fichiers, ça arrive, et que le rôle des fournisseurs d'accès Internet soit de faire appliquer les lois de copyright. Les citoyens du village situé dans Lanaudière, Rawdon, dont le forum a été fermé il y a quelques semaines, retrouvent un espace de discussion. En février dernier, le forum Rawdon Québec, qui permettait aux citoyens d'échanger entre eux, a été fermé, résultat de plaintes logées par les élus municipaux. Des poursuites pour diffamation ont ensuite été déposées contre certains participants. 10 d'entre eux qui utilisaient des pseudonymes sont toujours à identifier. 3 citoyens ont vu leur disque dur copié suite à une ordonnance de la Cour supérieure. Soucieux d'avoir un espace d'échange et de diffamation ouvert à tous, un citoyen, Robin Millette, a mis sur pied un nouveau forum qu'il veut voir devenir un espace de discussion favorisant la liberté d'expression, quoiqu'une modération y soit effectuée, on l'espère. De plus, chaque participant est responsable individuellement de ses propos, dit-il. Le forum est accessible à rawdon.waglo.com, rawdon.waglo.com, mais si ça vous intéresse, allez voir au moins ce qui se dit là-dessus et vous faire une idée de ces gens. Enfin bon, ça veut pas nécessairement dire que ça va toujours être de la diffamation juste parce que ça porte le nom de Rawdon. Hein? Ça, c'est la controverse qui a créé ces opinions-là. Mais bon, que voulez-vous? Un homme de Birmingham subira le premier procès au Royaume-Uni pour harcèlement sur Facebook. Michael Hurst, 33 ans, d'Egbaston, a plaidé non coupable à l'accusation de harcèlement à l'endroit de son ex-petite amie Sophie Sladen. Après une première comparution, il a été libéré sous caution en attendant son procès qui aura lieu au courant du mois, selon le Birmingham Mail. Monsieur Hurst est accusé d'avoir enfreint la loi sur le harcèlement de 1997 lorsqu'il s'est servi de Facebook pour contacter Madame Sladen le 21 janvier dernier. Le porte-parole du Crown Prosecution Service a dit, et je cite, « Au cours des dernières années, nous avons déjà porté des accusations de harcèlement dans des cas où des gens ont envoyé des lettres, placé des appels téléphoniques et même envoyé des messages textes, mais il s'agit à ma connaissance du premier cas impliquant un site web comme Facebook. Les profils sur Facebook de Hearst et de Sladen ont été supprimés du site web depuis. » Voilà qui fait le tour du bloc cybercrime, les nouvelles de ce qu'il y a de croche en technologie, en informatique et en jeux vidéo cette semaine. Parlant de gens qui font des choses croches, il y en a qui préfèrent tricher à leurs jeux vidéo plutôt que de les battre par eux-mêmes et leur propre capacité intellectuelle et je sais pas, digitale. hein, avec leurs doigts. Voici donc le top des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. En cinquième position, sur PlayStation 2, on retrouve Final Fantasy 12. En quatrième, c'est COD 4 Modern Warfare sur la 360. En troisième, c'est Pokémon Diamond sur la DS. En deuxième, c'est Lost Odyssey sur la Xbox 360. Et le grand numéro 1 des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com, c'est Super Smash Bros. Brawl. Voici Bivouac et au quotidien, à la connexion, on parle technologie informatique et jeux vidéo. Au quotidien de leur album Le Synopsis de notre histoire à la collection ACFU 89 FM. Maintenant, c'est la première partie du fil informatique. Regardons les nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine. Un article de Clubic.com pour commencer. C'est un fait. Mac OS X n'est pas exempt de défauts. Mac OS X, pour ceux qui préfèrent que je le dise comme ça. Y compris au niveau de la sécurité. Preuve en est avec la découverte d'une faille particulièrement importante dans le système d'Apple, confirmée par la firme de Cupertino. Cette brèche vient du fait que Mac OS X stocke en clair dans la mémoire de l'ordinateur le mot de passe utilisé par l'utilisateur pour ouvrir une session. Sous Mac OS, 10. Lorsque le mot de passe du compte utilisateur ou administrateur est demandé par le système, il est employé pour déverrouiller le fichier qui contient tous les autres mots de passe, ceux des réseaux Wi-Fi, des connexions SSH, etc. Malheureusement, au lieu d'évacuer de la mémoire le plus vite possible ce mot magique, OSX le garde jusqu'à ce que l'utilisateur se déconnecte. En d'autres termes, une personne mal intentionnée ayant un accès physique à la machine pourrait très bien procéder à un memory dump, c'est-à-dire récupérer l'ensemble des données contenues dans la mémoire pour les stocker ensuite dans un fichier. De cette même façon, il serait possible d'analyser le fichier en question pour retrouver le mot de passe employé par l'utilisateur principal de la machine. Interrogé par CNET, responsable d'Apple a fait savoir que la firme était au courant du problème et qu'elle travaille d'ores et déjà sur un correctif. Voilà, l'article vient de Clubic.com. Un article de Branchez-vous maintenant. Apple figure cette année au sommet de la liste des 20 compagnies américaines les plus admirées, compilée par le magazine Fortune. Le magazine américain dévoile sa liste annuelle, sa 26e, des 20 compagnies américaines les plus admirées. C'est la compagnie Apple qui figure cette année en haut de la liste, gagnant 6 places par rapport à l'an dernier. Apple déloge Berkshire Hathaway et General Electric qui figuraient au sommet de cette liste en 2007. Pour bâtir cette liste, Fortune et son partenaire sondeur A-Group se sont basés sur la liste Fortune des Fortune 1000 qui compile les 1000 plus grandes compagnies américaines selon leurs revenus et leur secteur d'activité économique. Fortune retient ensuite les 10 compagnies qui figurent au sommet de chacune des listes des différents secteurs économiques. Pour faire son choix, le magazine demande à des cadres, des directeurs d'entreprise et à des analystes appartenant aux différents secteurs économiques de noter les compagnies selon 8 critères allant de la valeur de placement aux responsabilités sociales. La liste des 20 compagnies américaines les plus admirées est le résultat des réponses soumises par 3721 cadres, directeurs d'entreprise et analystes qui ont désigné la compagnie qu'ils admiraient le plus. Les résultats complets du sondage sont disponibles en ligne sur le site money.cnn.com qui sera magazine Fortune d'ailleurs, qui sera également en kiosque le 10 mars prochain. Parlons un petit peu de Windows Vista après avoir parlé de Apple. La compagnie Microsoft annonce une baisse des prix de son nouveau système d'exploitation Windows Vista. Bon, nouveau, plus ou moins, mais quand même. Vendu en magasin ou sur son site Internet. Donc, la version haut de gamme passe de 400 à 320$ et la version mise à jour, celle qui est vendue pour passer de XP à Vista, diminue de 260$ à 220$. Enfin, la version dite de base, qu'on appelle Vista Home Premium, passe de 160 à 130$. Ces diminutions de prix entreront en vigueur sous peu. Je crois que c'est peut-être déjà fait. L'article date quand même du 29 février. Hein? Donc, qu'est-ce que ça disait ici? Oui, c'est ça. Ces baisses de prix n'auront pas d'impact significatif sur les ventes du système d'exploitation, dit l'article de Canoë.com. 90% des systèmes Vista sont vendus aux fabricants d'ordinateurs qui les préinstallent en usine. Et là, les prix ne sont pas affectés. Un porte-parole de la compagnie a expliqué que Microsoft s'attend à vendre un plus grand nombre de programmes en magasin ou en ligne, ce qui devrait compenser la diminution de prix. Le but de l'exercice est simplement de stimuler les ventes du nouveau système. Certains observateurs soulignent que si les affaires étaient bonnes, Microsoft ne ferait pas de vente. Et je cite, « Je ne me souviens pas d'avoir vu une diminution de prix comme celle-là, c'est vraiment inédit. » C'est ce qu'affirme Chris Swanson, qui suit de près l'évolution du prix des programmes informatiques pour le compte de la firme de recherche NPD. Depuis son arrivée sur le marché, Microsoft dit avoir vendu plus de 100 millions de licences Vista, mais les critiques ont été nombreuses. Encore aujourd'hui, certains spécialistes affirment que cette nouvelle version cause beaucoup trop de problèmes techniques pour qu'elle soit considérée comme un succès. D'ailleurs, dans le monde des affaires, plusieurs grandes entreprises ont préféré demeurer avec Windows XP pour toutes sortes de raisons. Celle qui revient le plus souvent est la satisfaction des entreprises à l'égard du système Windows XP. Voilà. Donc tantôt, je disais que ces diminutions entreraient en vigueur sous peu, en même temps que l'arrivée de la première mise à jour majeure de Vista, connue sous le nom de Service Pack 1, qui est prévue pour le cours du mois de mars. Toujours au sujet de Windows, plusieurs sources indiquent que Microsoft travaille actuellement sur un nouveau projet baptisé StarKey. Derrière ce nom se cacherait une nouvelle technologie qui permettrait à l'utilisateur de transporter avec lui l'intégralité de son environnement Windows à travers une seule clé USB ou d'une simple carte mémoire. Les StarKey ne devraient fonctionner qu'avec des machines Windows. Elles devraient permettre à l'utilisateur de retrouver son environnement de travail, bon, ses applications principales, ses contacts, ses aspects du bureau, ses données personnelles, etc. Les StarKey pourraient notamment permettre à Microsoft de séduire les pays en voie de développement où la présence d'un PC Windows pour une seule et unique personne est une chose rarissime. Si tout va bien, StarKey devrait être dévoilé officiellement, au moins dans sa forme bêta, d'ici la fin de l'année 2008. Cette information intervient alors que Microsoft s'est associé dernièrement à SanDisk pour développer l'après-U3. Future clé USB U3, Microsoft s'associe à SanDisk, c'était le nom de l'article que vous pouvez trouver sur lunechance.com. Passez par l'article principal qui s'appelle StartKey, la clé USB Microsoft spéciale Windows. Sur le site de l'émission, je rappelle l'adresse, le www.unechance.com. Depuis la semaine dernière, AOL n'offre plus de soutien technique pour le navigateur Internet Netscape, mettant ainsi définitivement fin à une aventure qui a débuté en 1994 et qui est synonyme pour plusieurs de la montée en popularité d'Internet. On en parlait un petit peu la semaine dernière. Donc, AOL, qui a acheté Netscape en 1998, suggère maintenant aux internautes qui utilisent encore son navigateur de le remplacer par Firefox ou par Flock. À son apogée, au milieu des années 90, Netscape était utilisé par 90% des internautes, mais l'arrivée d'Internet Explorer de Microsoft, qui est intégré à Windows, a rapidement mis un frein à sa croissance. Aujourd'hui, Netscape serait utilisé par seulement 0,6% de tous les internautes. AOL a rendu le code source de Netscape libre en 1998, ce qui a mené certains de ses concepteurs à fonder Mozilla, qui développe depuis ce temps Firefox. Vous voyez le principe. Et je cite, « Avec Firefox, je crois que nous continuons le travail que nous avions amorcé avec Netscape. » C'est ce qu'a déclaré lors d'un entretien avec la BBC Mitchell Baker, présidente de la fondation Mozilla et l'une des premières employées de Netscape. « Nous avons gardé l'essentiel de ce qu'était Netscape, mais nous avons poussé plus loin le concept de participation des internautes à la conception de notre furteur Firefox. » Mentionnons que le portail Netscape.com et le service d'accès Internet Netscape, qui appartiennent toujours à AOL, demeurent tout de même accessibles. Et on couronne le fil informatique première partie par le réseau social Facebook qui est désormais disponible en version allemande grâce aux efforts de 2000 membres germanophones qui ont traduit le site de l'anglais à l'allemand. Après la version espagnole et dans l'attente de la version française, Facebook est désormais offert en allemand. En l'espace de 2 semaines, plus de 2000 des 1 million de membres de langue allemande se sont volontairement soumis à la traduction du site de l'anglais à l'allemand. La traduction a pu être réalisée grâce à une application soumise aux utilisateurs traducteurs. Une fois la traduction des applications terminée, les traducteurs bénévoles pouvaient ensuite approuver les traductions en votant pour les meilleures versions. Selon Reuters, 60% des 66 millions d'utilisateurs de Facebook vivent à l'extérieur des États-Unis. L'Allemagne ne figure pas parmi la liste des 10 plus grands pays utilisateurs de Facebook. Par contre, après les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne qui arrive deuxième avec 8 millions d'utilisateurs, suivi du Canada avec 7 millions de membres. L'initiative allemande pourrait bien être reproduite, oui, car Facebook souhaiterait faire traduire ses nouvelles applications par des membres bénévoles, suivant ainsi une stratégie adoptée notamment par Wikipédia. Facebook tente avec ses traductions de rattraper son rival MySpace, qui possède des sites nationaux dans plus de 20 pays. MySpace est notamment offert dans des versions espagnoles, françaises, allemandes, italiennes et japonaises. Voilà qui fait le tour pour la première partie du fil informatique. Plus tard, on va parler, entre autres, dans le fil informatique, de publicité sur Google Earth, ça n'arrivera pas, et de Ask.com, qui change complètement de mission pour cibler les femmes mariées. N'est-ce pas original comme façon de changer? C'était un genre de Google avant. Donc, voilà pour le fil informatique. Maintenant, on continue l'émission avec notre grande série Overclocked Remix. À partir de cette semaine, on va mettre en vedette des pièces de jeux vidéo remixées par la communauté. Et on commence cette semaine par The Legend of Zelda, Link's Awakening, Forest of Hysteria. Et plus tard, on écoutera une autre pièce. Restez avec nous, c'est La Connexion au 89.1 FM. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va continuer le fil informatique. Et si vous étiez avec nous à la fin de la première heure, j'ai un petit peu mal estimé mon temps, n'est-ce pas? J'ai commencé à passer une pièce et en fin de compte, il y a eu comme 10 secondes qui ont joué. Donc, on va aller entendre Plastonia avec une pièce du jeu The Legend of Zelda Link's Awakening, édité sur Game Boy de Nintendo en 1993. Sa pièce s'appelle Forest of Hysteria. C'est basé sur la pièce Mysterious Woods. C'est glitch. C'est très bien. C'est très, très, très bien. Donc, voici ça tout de suite. Et ensuite, on entendra une autre pièce de The Migas avec un remix qui s'appelle The Annihilation of Monsteropolis du jeu Mega Man 2. À La Connexion, c'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. We'll be right back. The Platonist Forest of Hysteria du jeu The Legend of Zelda Link's Awakening. C'est dans notre super série de pièces d'Overclock Remix. Donc, c'est quelqu'un, dans ce cas-ci, Platonist, qui a repris une pièce d'un jeu sur Game Boy en 1993, qui a ajouté un paquet de choses là dessus pour faire une belle petite pièce que vous venez d'entendre, que vous pouvez retrouver sur le ocremix.org. J'ai posté le lien direct vers la pièce sur le www.unechance.com si ça vous intéresse d'avoir des informations sur Platonist. Et pour savoir que les compositeurs de la pièce sont Kazumi Totaka, Kozue Ishikawa et Miyako Amano. Hein? Mysterious Woods est la pièce du jeu de Legend of Zelda Link's Awakening. Voilà. Maintenant, ben, c'est le fil informatique. Deuxième partie, on parle de nouvelles qui ont marqué le monde de l'informatique et des ordinateurs depuis les 7 derniers jours. Google ne vendra pas d'espace publicitaire pour soutenir financièrement son nouveau service Internet d'archivage de dossiers médicaux pour les internautes américains. C'est ce qu'a annoncé son président. On en parlait un petit peu la semaine dernière du service Google Health. Eric Schmidt a voulu rassurer plusieurs organismes pour le respect de la vie privée qui craignaient que la firme se serve des informations contenues dans les dossiers médicaux pour les transmettre à ses annonceurs. Selon lui, Google Health sert uniquement de plateforme pour permettre aux usagers de gérer leur propre dossier médical. En y notant les résultats de leurs tests médicaux et leurs prescriptions, ils pourront y accéder par un identifiant et un mot de passe comme pour un compte de courrier électronique. Google teste actuellement son nouveau service auprès d'environ 1350 volontaires de la Cleveland Clinic, un centre médical à but non lucratif d'Ohio. Eric Schmidt n'a pas précisé lorsque Google Health sera lancé officiellement aux États-Unis et si le service sera éventuellement disponible dans d'autres pays comme le Canada. Selon Google, son expansion vers le domaine médical est tout à fait logique puisque des millions de requêtes concernant des questions médicales sont effectuées chaque année par les internautes dans son moteur de recherche. Précisons que Microsoft s'est également lancé l'an dernier dans ce secteur d'activité, oui, avec son projet Microsoft Health Vault. Dans un volte-face dramatique, le moteur de recherche Ask.com abandonne finalement son objectif de jouer un jour d'égal à égal avec le chef de file Google. Se consacrant plutôt au créneau plus précis des femmes mariées en quête de renseignements pour les aider à mieux gérer leur vie. Oui, c'est un changement extrêmement radical, n'est-ce pas? Dans le cadre de la nouvelle direction annoncée par la compagnie, Ask supprimera une quarantaine de postes, ce qui représente 8% de sa main-d'œuvre. Le changement de cap permet à la firme de Californie de renouer avec ses racines en se contentant de fournir des réponses de qualité à des questions de base sur des sujets comme des recettes, des passe-temps, le travail scolaire des enfants, le divertissement et la santé. La décision de desservir le groupe démographique des femmes mariées résidant principalement dans le sud et le Midwest des États-Unis survient après des années d'efforts déployés en vain par Ask.com à tenter de mettre sur pied un meilleur moteur de recherche tout usage que celui de Google. Cette quête s'était intensifiée après le rachat de Ask et des sites web affiliés par le conglomérat Internet Interactive Corp en 2005 pour la somme de 2,3 milliards de dollars. Ask.com ne s'éleva toutefois jamais au-delà des rangs du moteur alternatif peu connu, malgré des millions de dollars dépensés à sa promotion et un blitz publicitaire misant sur des douzaines de nouveaux produits qui avaient impressionné plusieurs observateurs de l'industrie. En date du mois de janvier, Ask exploitait le cinquième moteur de recherche le plus fréquenté aux États-Unis, avec une part de marché de 4,5% d'après les données de la firme Comscore Media Metrics. Google domine bien sûr sur le marché avec une part de 58%. Le chef de la direction de Ask depuis 2 mois seulement prédit que le réoutillage injectera une nouvelle vie au moteur de recherche. Et je cite, « Tout le monde chez Ask.com est emballé par cette nouvelle direction claire et la progression qu'elle permet d'espérer sur le plan du rendement. » L'analyste Charlene Lee de Forrester Research estime que la nouvelle stratégie de Ask.com pourrait aider à redresser les profits au déclin de la compagnie parce que les femmes mariées, en particulier les mères, dictent plusieurs décisions reliées aux dépenses de la maison, ce qui fait de cette tranche démographique une cible publicitaire de choix. « C'est une décision intelligente, dit-elle. Je crois toujours que la technologie de Ask est excellente, mais que de s'attaquer à Google constituait une tâche herculéenne. » L'ambitieux catalogue des espèces annoncé au printemps 2007 a finalement été lancé mardi dernier. On parle du 24 février. Donc, connaissant aussitôt un fort achalandage. C'était bien le 26 février. Voilà. Au cours des 10 prochaines années, l'Encyclopédie de la vie compte répertorier dans ses pages les 1,8 million d'espèces connues de la science. Le projet à but non lucratif qui compte actuellement 30 000 pages est financé par un don privé de 12,5 millions de dollars, dont 10 millions proviennent de la Fondation John and Catherine MacArthur et 2,5 millions de la Fondation Alfred Sloan. Chacun de ces des espèces répertoriées par l'Encyclopédie a sa propre page, comprenant un texte descriptif, des images, des cartes et des éléments multimédia. Pour le moment, l'encyclopédie s'appuie sur des données recueillies par les scientifiques qui sont également validées par les experts indépendants. Plus tard cette année, l'encyclopédie commencera à accepter des soumissions des visiteurs. Toutefois, les informations transmises par les internautes seront authentifiées par des experts avant d'être ajoutées aux fiches de l'encyclopédie. L'encyclopédie qui a été officiellement lancée mardi, comme on disait, a connu une forte affluence, si bien que depuis cette journée, le site connaît quelques périodes d'inaccessibilité un peu et peut paraître lent. L'article date du vendredi 29 février. Si vous voulez aller voir l'Encyclopédie de la vie, c'est le eol.org qu'il faut taper, le www.eol.org. C'est l'Encyclopédie de la vie. Encyclopédia of life. Facebook maintenant. Facebook aurait engagé des pourparlers avec les quatre majors du disque avec pour objectif de lancer un service de musique en ligne, indique le Financial Times en référence à des sources proches du dossier. Dans son édition du 5 mars 2008, le quotidien économique britannique parle de discussions préliminaires engagées entre le réseau social d'origine américaine Facebook et les maisons de disques Universal Music Group, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group et EMI. Les majors auraient également engagé des pourparlers avec MySpace, leader du marché dont le cœur de cible compte de nombreux musiciens. Les maisons de disques et le réseau social dirigé et cofondé par Mark Zuckerberg n'ont pas commenté l'article du Financial Times en date d'hier, mercredi 5 mars. Une chose est sûre, depuis novembre dernier, Facebook propose aux groupes musicaux de créer leur page multimédia comme ils peuvent le faire sur MySpace. Par ailleurs, Facebook propose des liens vers le kiosque iTunes d'Apple et plusieurs applications musicales dont iLike, Last.fm et Pandora. Ils ont aussi un lien avec le site ReverbNation.com. Facebook. Maintenant, parlons d'un groupe musical qu'on aime bien. Quand même, on fait jouer assez fréquemment, assez fou. Nine Inch Nails suit les traces de Radiohead en offrant gratuitement sur Internet une partie de son dernier album Ghosts 1 through 4. Le dernier album de Nine Inch Nails a été lancé sur Internet le dimanche 2 mars. À l'instar de Radiohead, Trent Reznor, l'homme derrière Nine Inch Nails, offre gratuitement seulement les 9 premières chansons de l'album sur le site du groupe. C'est les 9 premières pièces, je crois que l'album comprend 36 pièces musicales, donc 1 through 4 de 1 à 4, c'est le premier CD, donc la première partie de 9 pièces qui est disponible à télécharger. Donc l'album de 36 pièces instrumentales est offert en intégralité à différents prix. La version numérique de l'album est notamment offerte au prix de 5 US et les fans du groupe peuvent également s'offrir des ensembles disques comprenant des pièces supplémentaires et des articles promotionnels à des coûts allant de 10 US à 300 US. Trent Reznor, qui n'est désormais plus sous contrat avec sa compagnie de disques, avait applaudi la sortie de l'album In Rainbows de Radiohead en octobre dernier. Rappelons que Radiohead avait alors donné le choix aux internautes d'offrir le montant qu'ils souhaitaient pour obtenir l'album. Plusieurs ont mis $1, $2. Un peu de temps après la sortie de l'album du groupe britannique, Reznor avait aidé l'artiste Saul Williams à lancer un album de façon similaire. Trent Reznor, qui admet lui-même télécharger gratuitement de la musique sur Internet, s'est servi des réseaux de partage de musique pour tester son nouveau matériel. Reznor explique sur son site, et je cite, « Maintenant que nous ne sommes plus contraints par une étiquette de disque, nous avons décidé de déposer notre matériel sur différents sites d'échange de fichiers BitTorrent parce que nous croyons que BitTorrent est une méthode révolutionnaire de distribution de contenu numérique. » L'armée américaine a ouvert une enquête le 4 mars, mardi dernier, sur une vidéo largement diffusée sur Internet dans laquelle on voit deux soldats déployés en Irak lancer un chiot en bas d'une falaise. Dans un communiqué de presse, l'armée a indiqué que le contenu de la vidéo est lamentable, troublant et contraire aux valeurs morales exigées de ses soldats. L'armée a précisé que les soldats qui participent à la mort du chiot n'ont pas encore été identifiés formellement, on parle d'en date de mardi, mais que ce comportement est intolérable et doit être puni de la manière la plus appropriée. En entrevue avec l'Associated Press, un responsable de l'armée a toutefois confié que rien ne confirme encore la véracité de la vidéo. L'armée se demande notamment s'il y a eu du montage, car le cri du chiot lorsqu'il tombe en bas de la falaise ne semble pas réaliste. D'accord. Le document a soulevé l'ire de plusieurs internautes qui considèrent le geste des soldats dégoûtant, horrible et minable. Les représentants du People for the Ethical Treatment of Animals, la PETA, un groupe d'activistes pour la défense des droits des animaux, ont également déclaré qu'ils étaient sidérés par la vidéo et qu'ils ont reçu des centaines de courriels de gens indignés. Bien évidemment, l'article, c'est « Irak, une vidéo qui choque les internautes ». Vous pouvez aller voir, voyons donc, la vidéo est en lien sur l'article, n'est-ce pas un addon? Allez voir l'article « Irak, une vidéo choque les internautes » sur le site de l'émission, le www.unechance.com. Un Italien de 32 ans a écopé d'une peine de 2 ans et 4 mois de prison pour avoir mis sur Internet des photos à caractère pornographique de son ancienne petite amie. Et les avoir envoyés par courriel à plus de 15 000 correspondants. Il avait créé un site Internet montrant son ex-ami en train de proposer ses faveurs et des jeux érotiques avec en prime son numéro de téléphone. L'homme qui avait aussi envoyé des menaces par SMS à la jeune femme ainsi qu'à ses parents était poursuivi pour diffamation, menaces et violences. Dans son arrêt, le tribunal de Milan a estimé que ce type de photos et de données relevait du domaine strictement privé et aurait dû le rester et a reproché à l'homme d'avoir enfreint cette règle sans l'assentiment de la principale intéressée. Voilà donc, ça se passe à Rome, un Italien. Voilà qui fait le tour pour les nouvelles informatiques, les nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs de la semaine dernière. Voici maintenant le top des mots-clés les plus recherchés cette même semaine dernière. C'est via la Toile du Québec, toile.com. En cinquième position, ça monte le réseau des sports, RDS. En quatrième, c'est stable avec l'Auto-Québec. En troisième, c'est aussi stable avec les PAC. En deuxième, ça descend avec Horoscope. Et la première position, elle monte. Petit changement, ce n'est plus Horoscope, non, c'est Hotmail ou Homail, comme disent les Espagnols. Homail, vous écoutez la connexion à CFOU 89.fm et voici la suite de notre série Overclock Remix, c'est Mega Man 2 avec The Annihilation of Monsteropolis. Power to push others away. La formation de Megaz avec The Annihilation of Monsteropolis, basée sur une pièce de Mega Man 2 de Megaz, un groupe qui reprend des pièces de Mega Man seulement, avec des paroles et de la voix d'Aidé tout par-dessus. C'est super bon. Maintenant, c'est l'heure du quiz musical. Nommez ce jeu qui joue derrière moi. L'indice, c'est sur Sega Genesis. Encore quelques minutes et la réponse au retour à la connexion à C'est Fou 89.fm. Je vous ai demandé de nommer ce jeu qui joue derrière moi. Encore une trentaine de secondes pour y penser. C'était l'introduction de Mega Man The Wily Wars sur Sega Genesis. Et voilà un autre quiz très difficile musicalement cette semaine à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et nous reste une petite demi-heure pour parler de ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans et autres périphériques d'affichage d'images. On va aussi parler de ce qui se passe sur le net. Mais avant, une pièce du Roi Poisson. Voici Premier Rang, c'est dans les palmarès de C'est Fou, c'est au 89.fm dans vos oreilles. L'émission la plus rapide au monde. Ici, right here, right here. et Molotov est de la partie. Le caoutchouc se mitraille et les cocktails sont servis. Un refoulement humain jusqu'au cœur des ruelles. La manifestation pacifique n'est qu'une guerre éternelle. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Le roi poisson est premier rang. C'est sur le palmarès francophone de C'est fou en ce moment même. Et vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, voici ce qui se passe bientôt sur vos écrans. Les nouveautés en magasin cette semaine, pour commencer, c'est selon rgamers.com. On commence par les jeux qui sortent sur plusieurs plateformes. Sur PS2, PS3 et PSP, on retrouve MLB 08 The Show, Major League Baseball. Il y a aussi Major League Baseball, encore 2K8 sur PS2, PS3, PSP, Wii et Xbox 360. Army of Two sur PS3 et Xbox 360. Ninja Reflex sur DS et Wii. Et finalement, Bully Scholarship Edition sur la Wii et Xbox 360. Sur DS, on retrouve Chicken Hunter, Anno 1701, Dawn of Discovery. Imagine Figure Skater, un jeu de patinage artistique. Pets Bunnies avec les filles à la fin. Pet Shop, Let's Ride Friends Forever, Echo Creatures Save the Forest et finalement Mysterious Dungeon Shiren the Wanderer. Sur PC, on retrouve Warhammer 40,000 Dawn of War Soulstorm de THQ, Stranger, Field Ops, Legends of Norrath Inquisitor, Tom Clancy's Chronicles, Mysteryville 2, Imperium Romanum, Galactic Command et Arctic Stud Poker Run. Sur PlayStation 2, le seul nouveau jeu, c'est Silent Hill Origins. Et le seul sur PSP, c'est God of War Chains of Olympus de Sony. Quelque chose qui s'en viennent bientôt, plus tard, dans le futur, plus ou moins éloigné. Après Battle Stations Midway, voilà que Eidos nous offrira Battle Stations Pacific sur Xbox 360 et PC, un autre jeu d'action aérien prenant une fois de plus place lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le jeu proposera deux campagnes bien distinctes en solo. Ainsi, en incarnant les Américains, vous débuterez là où Battle Stations Midway s'est terminé afin de sécuriser le Pacifique. En personnifiant les Japonais, vous pourrez contrôler les forces aériennes de l'armée japonaise impériale et vous engager dans la bataille de Pearl Harbor avant de changer l'histoire et de prendre le contrôle complet du Pacifique. Au total, le jeu offrira 28 missions, soit le double de son prédécesseur, et 21 nouvelles unités, qui comprendront notamment de nouveaux avions japonais. De plus, pour la toute première fois dans la série, vous pourrez envoyer des soldats au sol afin qu'ils sécurisent certains points stratégiques. Le tout sera accompagné par des environnements ouverts, remplis d'action et 5 nouveaux modes multijoueurs locaux et en ligne. Aucune date de sortie n'a encore été attribuée à Battle Stations Pacific. Namco Bandai Games a annoncé le développement du premier jeu d'une compagnie tierce qui fonctionnera avec la planche de jeu Wii Fit. En effet, la firme vous permettra de skier avec cette planche grâce au jeu Wii Ski pour la console Wii. Ce jeu, qui supportera jusqu'à 4 joueurs, vous permettra de skier à l'aide de la Wii Remote et de la Nunchuck ou encore via la planche de Wii Fit. Planche sur laquelle on peut faire des exercices dans le jeu Wii Fit, plein de choses de la gym. Au total, plus d'une douzaine de parcours sont offerts au sein du jeu, tout comme plusieurs activités. Parmi ces dernières, vous retrouverez la photographie, l'exploration complète d'une montagne et l'apprentissage d'une variété de techniques de ski. Fait intéressant à noter, drgamers.com, le jeu vous donnera l'occasion de skier de jour ou encore de nuit. D'ailleurs, dans la pénombre, vous pourrez observer des feux d'artifice dans le ciel qui égayeront vos iris. À noter que le jeu vous permettra de créer votre propre personnage à l'aide de plusieurs options et les pièces d'équipement à débloquer. Cependant, si vous ne désirez pas savoir à vous atteler cette tâche, vous pourrez toujours skier avec vos Mii, vos personnages qu'on crée avec la Nintendo Wii. Donc, Wii Ski sera lancé le printemps prochain. Showtime Networks et Mark Echo Entertainment ont annoncé qu'elles ont joint leurs forces afin de créer un jeu vidéo basé sur la populaire série télévisée Dexter. Très peu de détails sur le jeu sont disponibles pour le moment, mais Mark Echo Entertainment a promis de travailler en étroite collaboration avec Showtime afin que le jeu reste fidèle à la série. Basé sur les romans de Jeff Lindsay, la série Dexter suit les aventures de Dexter Morgan, un policier de Miami qui se transforme la nuit en tueur en série, traquant des criminels. Lui-même est un tueur en série. En fait, ce qu'il fait... Et je dis ça parce que je me suis un petit peu renseigné. C'est une série que je veux regarder depuis très longtemps. Je vais le faire. Le gars tue les personnes qui, selon lui, méritent d'être tuées. C'est quand même assez fort comme concept. La série connaît beaucoup de succès depuis le début de sa diffusion et a remporté plusieurs prix. Donc, jeu vidéo basé sur Dexter, présumément que vous allez devoir couper la joue de vos victimes parce que c'est ce qu'il fait. La joue. Ah, c'est tellement violent comme série. C'est bon. C'est du moins, donc, oui, je commence en lisant le titre, un MMO à la sauce Call of Duty. C'est du moins ce qu'a déclaré le PDG d'Activision, Bobby Kotick, à la Stanley Technology Conference le 4 mars dernier. Il a affirmé qu'une fois la fusion complétée entre Activision et Blizzard, le projet aurait de très bonnes chances de se réaliser et de voir le jour. Rien n'est encore confirmé, mais il est facile d'imaginer qu'avec l'expertise et le savoir-faire de Blizzard en matière de jeux massivement multijoueurs, la tentation de se lancer dans une telle aventure est forte. L'article vient de worthplaying.com via ArtGamers. MTV Multiplayer Blog a appris que le concept de Drawn to Life sera utilisé dans le prochain jeu basé sur la franchise SpongeBob SquarePants, baptisé Drawn to Life, SpongeBob SquarePants. Le jeu permettra donc de créer ses personnages et des objets via l'écran tactile de la Nintendo DS, cette fois dans l'univers de SpongeBob. Ce n'est pas Fifth Cell, le développeur de l'original sur DS, Drawn to Life, qui s'occupe du projet, mais plutôt Altron. Selon le blog, le jeu inclura 20 niveaux solo et un volet multijoueur versus. L'annonce officielle ne devrait pas tarder. Voilà donc pour Drawn to Life, SpongeBob SquarePants. Un article de GameCut.com qui dit « Même pas besoin de patienter, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots sortira en Europe et aux États-Unis le même jour que la version japonaise, soit le 12 juin prochain. Konami vient de confirmer l'information en date du 29 février au grand soulagement des fans européens qui n'auront pas besoin d'attendre de longs mois comme ce fut le cas pour les précédentes versions. » On parle aussi des États-Unis, évidemment, et du Canada et du Québec. Le jeu inclura Metal Gear Online, version en ligne à laquelle l'équipe de GameCut avait déjà pu se frotter il y a quelques temps. Vous pouvez aller voir la critique sur leur site en passant par lunechance.com. Une période de bêta précédera la sortie, mais les détails relatifs au lancement restent pour l'instant à confirmer. Voilà. Ensuite, Capcom aurait fait l'impasse sur une sortie de Resident Evil 0, oui. En Occident, c'est du moins ce qu'indique Chris Kramer sur le blog de la division américaine. On en parlait la semaine dernière, c'était une rumeur apparemment. Tout aussi surpris de l'annonce du jeu, le blog précise néanmoins que la performance du titre au Japon pourrait avoir une incidence sur la première décision qui était de ne pas l'envoyer aux États-Unis, mais seulement au Japon. Voilà, et l'article de GameCult dit « Et quand on connaît Capcom, on ne peut décidément rien exclure. » Voilà, donc c'est une mise à jour, un suivi de la semaine dernière. Le PlayStation Store aura droit à un grand ménage de printemps. Dans une entrevue accordée à Gamasutra, John Haidt de Sony Computer Entertainment of America promet que l'interface aura droit à une refonte majeure pour début avril. Sans entrer dans les détails, ce responsable produit chez SCEA parle d'une navigation simplifiée pour faciliter la recherche et par conséquent visant à inciter un peu plus les joueurs à profiter des avantages du service. Rappelons que le PlayStation Network devrait également connaître une remise à niveau complète avec l'intégration du Home et sa navigation calquée en grande partie sur le modèle du jeu Second Life. Bref, c'est tout pour les nouveautés en magasin et pour les jeux qui s'en viennent un jour bientôt sur vos écrans. Maintenant, regardons le top des jeux les plus recherchés sur le oneup.com, site de jeux vidéo. En cinquième, c'est Bully Scholarship Edition sur 360. En quatrième, Smash Brothers Brawl, Super Smash Brothers Brawl sur la Wii. En troisième, c'est Army of Two sur la 360. En deuxième, le même jeu sur la PS3. Et le jeu le plus recherché en date d'aujourd'hui, le 6 mars 2008, c'est Halo 3 sur la Xbox 360, qui est sorti le 25 septembre de l'an 2007. Voilà donc, maintenant passons à la chronique, le bloc à thème. Et cette semaine, on parle du CeBIT. Donc le CeBIT qui se tient du 4 au 9 mars à Hanovre en Allemagne. Ça sera d'abord tourné vers les besoins des entreprises et des technologies vertes, dit branchez-vous.com. La plus grande manifestation technologique d'Europe s'adressera davantage cette année aux besoins des professionnels. Moins de gadgets et plus d'antivirus, de systèmes de restauration des disques durs et de routeurs Internet. Signe des temps, plusieurs des 5845 exposants de 77 pays présentent des serveurs qui consomment moins d'électricité et des centres de données sans émissions de carbone. Le salon collabore d'ailleurs cette année avec Climate Savers Computing Initiative, CSCI, un groupe fondé en 2007 qui compte notamment parmi ses membres Microsoft, Google, Intel et IBM. Les objectifs du groupe sont de réduire annuellement de 54 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre produites par les ordinateurs. Le directeur chez Cisco Systems estime que le secteur des technologies de l'information est responsable d'environ 2% des émissions annuelles mondiales de GES. Les fabricants d'ordinateurs comme Lenovo et Fujitsu Siemens et le numéro 1 mondial des semi-conducteurs Intel ont présenté probablement, ça a commencé il y a deux jours, des appareils économes en énergie. De son côté, Greenpeace tiendra sa propre manifestation où l'association passera au crible les déclarations des fabricants en matière de protection de l'environnement. On va parler dans quelques secondes à peine. Sur la liste des intervenants du CeBIT 2008 figure le directeur général de Microsoft, Steve Ballmer, qui a annoncé en conférence de presse une collaboration avec le constructeur automobile Fiat en équipant les voitures de logiciels qui analysent la conduite et la dépense de carburant. Voilà, donc ça, c'est un condensé d'informations de la part de l'Associated Press, l'agence France Presse et Reuters. Greenpeace, on en parlait, profitait du CeBIT d'Hanover pour publier sa liste des appareils électroniques qui seraient le moins nocifs pour l'environnement. Greenpeace publie les résultats de son premier sondage portant sur les appareils électroniques les plus verts. L'organisme de protection de l'environnement a soumis un questionnaire à des fabricants d'ordinateurs et de téléphones mobiles pour qu'ils évaluent leurs produits respectant le plus l'environnement. Ainsi, ils devaient juger les produits selon quatre critères: l'utilisation de produits chimiques toxiques, l'efficacité énergétique, la recyclabilité et la mise en marché. 14 des entreprises qui ont été approchées pour l'étude ont accepté de répondre au questionnaire en fournissant de l'information sur 37 produits. D'autres compagnies, parmi lesquelles Acer, Apple, Asus, Microsoft, Nintendo et Sharp, n'ont pas répondu ou ont remis le questionnaire trop tard. Évalués sur une échelle de 10, les appareils figurant sur la liste de Greenpeace n'affichent pas des résultats particulièrement spectaculaires. Le meilleur score appartient au T650 de Sony Ericsson dans la catégorie téléphonie mobile, au Vaio TZ11 de Sony dans la catégorie ordinateur portable et au Dell OptiPlex 755 et HP DC5750 dans la catégorie ordinateur de bureau. Greenpeace, qui a profité de sa présence au CeBIT d'Hanover pour présenter cette étude, se dit préoccupé par le danger que représentent pour l'environnement les 20 à 50 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont produits tous les ans. Si vous voulez voir l'étude complète de Greenpeace, allez voir le greenpeace.org ou, plus facile, passer par le site de l'émission. Vous pouvez trouver tous les liens. C'est le www.unechance.com. Toujours dans le cadre du CeBIT d'Hanover, le portable écolo du fabricant taïwanais Asus, fait de métal et de bambou, pourrait être mis en production en juin. N'est-ce pas la chose la plus intéressante? Le CeBIT d'Hanover, la plus vieille foire technologique d'Europe, prend cette année un virage vert. On en parlait il y a quelques secondes. L'industrie des technologies de l'information admet qu'elle doit proposer des produits moins énergivores et qui présentent davantage de composantes recyclables. Annoncé en 2007, l'EcoBook du fabricant taïwanais Asus est fabriqué à partir de bambou, qui, selon le directeur de la division PC portable d'Asus, est la matière première la plus durable qui existe. L'écran de l'EcoBook mesure 15,4 pouces et il serait doté d'un processeur Core 2 Duo. L'EcoBook, qui représente pour Asus une réponse à l'inquiétude croissante face à l'utilisation du plastique, pourrait être mise en production au mois de juin, selon le journal The Guardian. Pour le moment, aucun prix n'a été fixé pour cet ordinateur portable et on ne sait pas non plus s'il sera distribué au Canada. Quelle superbe initiative, l'EcoBook! Voilà donc pour le bloc à thème que j'aime particulièrement. J'aime bien me concentrer sur un seul et unique sujet. Vous savez ce que j'aime aussi? Hein? Quelle belle transition! C'est parler de gadgets! Quelques gadgets que j'ai remarqués cette semaine sur le site ougizmo.com. On commence par... Vous vous souvenez peut-être de ce chien bizarre il y a quelques temps. Tout le monde était obsédé par ça il y a un petit bout. C'était un chien qui c'est quoi déjà? Qui se zignait, oui. Après votre portable en le branchant dans la prise USB. Dans le fond, c'est une clé USB. C'est bien ça, oui, c'est un appareil USB. Je sais même pas s'il y a de la mémoire dessus, celui-là. Enfin bon, donc maintenant, il est utile. Donc, ça a été c'est un projet qui a été fait par quelqu'un. L'appareil qui était inutile avant. C'est ça. C'est un USB Exercise Dog. Maintenant, il fait des sit-ups. D'accord? très très mignon, pas aussi vulgaire que son prédécesseur, mais quand même, il coûte 14$. Et c'est ça, je crois pas qu'il y ait de la mémoire dessus. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un mod pour en mettre quelque chose du genre. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en tout cas, il y a une version que vous pouvez aller voir sur le lien, d'accord? Ça va vous mener vers le site. Le gars a fait arranger le humping dog, l'ancien, pour qu'il fasse seulement son humping lorsqu'il y a des fichiers de transférer sur la clé USB. Donc, en temps normal, il ne zigne pas votre ordinateur. Voilà. Ensuite, toujours sur Rogizmo.com, c'est une vidéo de Metacafé, postée sur Metacafé, qui vous montre comment faire vous savez, wow, j'ai toujours de la misère avec les traductions en anglais. De la poterie, voilà, avec un CD. Donc, vous prenez avec un disque dur, ça. Vous prenez le disque dur, ça vous montre comment faire en vidéo. Vous pouvez faire de la poterie. C'est très, très beau. Voilà. OK. Ensuite, c'est un... tu sais, les trophées de chasse, quand les gens chassent, ils mettent la tête de leur animal sur leur mur. Mais là, ici, c'est un robot. C'est un beau petit robot de trophée de chasse. C'est tellement joli. Donc, c'est dans la même lignée que le Billy Bass là, des années 2000. Vous savez, le poisson qui chantait tout le temps. Donc, voilà, c'est via Gear Fuse. 11 différents animaux robotisés qui ont des senseurs qui vont faire que le robot va prendre vie et deviendra agressif envers ceux qui vont s'approcher d'eux. On ne sait pas encore combien ça coûte et où c'est disponible. Ensuite, le Dormino. Très, très bonne idée. Votre portable. En tout cas, je sais que le mien le fait. Il y a beaucoup de chaleur qui sort de ça. Eh bien, vous pouvez maintenant faire fonctionner votre souris avec un genre de tapis qui va en dessous de votre portable. Et ça se sert de senseurs, là, des nanowires, nanofils de silicone là, qui est dans le tapis et qui utilise un convertisseur thermoélectrique pour faire fonctionner la souris. Génial. Greener Gadgets via EcoFriend. C'est sur lunchance.com. Ensuite, c'est un jeu multijoueur basé sur le toucher qui fonctionne avec la Microsoft Surface. Vous vous souvenez peut-être de ça, il y a quelques mois, on parlait de ça, la Surface de Microsoft qui vous permettait avec vos doigts de faire différentes actions sur une genre de table. Maintenant, c'est le premier jeu Firefly qui se sert de ça. Dans le fond, c'est utiliser vos doigts pour contrôler des petites bestioles et les mettre dans un pot. Voilà, ça c'est Firefly. Et puis, c'est pas mal tout. J'ai quelques autres petits gadgets, dont un fusil de brillant au lieu d'utiliser un taser. Et aussi une alarme qui vous avertit quand vos enfants s'éloignent de vous. Oui, comme un collier pour chien, mais sans fil. Enfin bon, allez voir lunchance.com pour lire les articles qui se lient à ça. Voilà. Rapidement, regardons un petit peu les jeux les plus vendus au Japon. Semaine calme, selon GameCult.com. Côté console, en 5e, c'est la PlayStation 2. En 4e, la PlayStation 3. En 3e, la Nintendo DS. En 2e, la PSP de Sony. Et en première place, avec 63 500 ventes, c'est la Nintendo Wii. Côté charts Japon pour les jeux, il y a quelques nouvelles entrées là-dedans. Mais faisons le top 5. On retrouve Harvest Moon, Sun and Friends sur la DS. En 4e, c'est Warriors Orochi sur la PSP. En 3e, Wii Fit sur la Nintendo Wii. En 2e, Effugion Odyssey 2, The Royal Grail sur la DS. Et en première, c'est un peu international comme première position. Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, je vais vous parler rapidement de quelques téléchargements que vous pouvez faire, parlant que je vois que le temps file extrêmement rapidement. J'ai posté sur lunchance.com quelques téléchargements, dont Capster, qui est une façon de démarrer vos logiciels lors de l'ouverture de votre ordinateur, seulement si votre bouton Caps Lock est enfoncé. Très, très bonne idée. C'est un petit logiciel, d'accord? Tout petit, qui dans le fond... Vous pouvez sélectionner l'application qui va démarrer lorsque le bouton est soit allumé ou soit éteint. Vous faites un raccourci, ça fonctionne. C'est super beau, c'est Capster. Ensuite, FireClock 1.0, une horloge analogique qui fonctionne comme écran de veille. Donc, un programme pour Windows qui affiche une très belle l'horloge de votre choix en tant qu'écran de veille. Voilà, téléchargez-le, installez-le, c'est pour vous. Et un autre petit logiciel qui vous permet de voir vos courriels dans Gmail, mais de plusieurs comptes, parce qu'il y a un logiciel officiel de Gmail, de Google, qui vous permet de voir vos courriels sur votre compte principal. Celui-là vous permet d'avoir plusieurs comptes en même temps. Voilà, donc si vous avez Gmail, le site web de courriel de Google, ça devrait vous intéresser. J'ai posté aussi sur lunchance.com quelques jeux pour le bureau, dont Square-O. Il y a aussi Jiggy Easy Sam, Trigger Ball, Sparkle et un paquet d'autres. Il y en a qui ont l'air vraiment bons là-dedans. C'est sur jaysgames.com que je trouve plusieurs jeux. Dommage parce que j'en avais essayé plusieurs et j'ai pas le temps d'en parler. Mais bon, donc allez voir ça. Il y a un jeu vidéo qui est en fait un petit jeu. C'est des petits jeux qui sont faciles à apprendre et à jouer pendant des heures. Vous allez pouvoir gaspiller une nuit complète. C'est ce que j'aime bien faire une fois de temps en temps. Il y a Android aussi qui a l'air vraiment bon. un jeu très bizarre aussi, Megahertz, Axe by Megahertz. Il faut aller voir si ça fait le tour du net en ce moment. Parlant de tour du net, ben, on a à peine quelques secondes, comme toujours, pour faire un petit tour du net. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission la plus rapide au monde. On se garde toujours une petite minute ou deux pour regarder ce qui se passe sur Internet rapidement. On commence, pourquoi pas, par oui. Le premier vidéo, c'est un gars qui a laissé aller son iPhone sur le chronomètre, le stopwatch, là, pendant 1000 heures. Il y a bien des gens qui se demandaient sur Internet qu'est-ce qui arrive, parce qu'il n'y a pas assez de place sur l'écran pour afficher ça. Et bien, apparemment, ça montre des trois petits points. Hein? Trois petits points, c'est ce que ça fait. Mais il continue de fonctionner. Tu peux quand même faire laps. Quand tu vas faire laps pour changer de laps, ben, il va te montrer le total que ça a pris. Donc, allez voir ça. Les gens sont bien intrigués par cette vidéo sur Internet en ce moment. OnePageMagazine.com, qui est une version en une seule page de toutes les publicités des magazines que vous aimez. Par exemple, Wired Magazine ou Vogue ou Hockey Magazine ou Time Magazine ou National Geographic. En une seule page, affiché sur votre écran, il va vous montrer toutes les publicités, mais seulement les logos des compagnies et où ils étaient situés sur la page. Donc, ça vous donne une espèce de gros pâté chinois de logos. C'est vraiment intéressant. OnePageMagazine.com. Dans Buffy, un épisode de 1997 de Buffy contre les vampires utilisait l'Internet. Il y avait l'épisode basé complètement sur un monstre dans l'Internet. Allez voir ça pour voir comment ça fonctionnait. Évidemment, les clichés étaient là, comme du texte blanc sur un fond noir. Mais ils ont quand même réussi à rendre ça plutôt réaliste dans Buffy. C'est via scurrybet.net. Ernie et Bert qui font un genre de show de musique. Boom, chicka, boom, boom. Une chanson qui s'appelle « Divine Proclamation to End the Present Existence » du band Last Days of Humanity. Une vidéo qui a été faite par Haywire. De Bert et Ernie en train de jouer de la musique. Vraiment très drôle. Ensuite, le nouveau clip de Justice, DVNO, qui est un hommage au bumper des années 80. Si vous écoutez la télé américaine, surtout, peut-être même québécoise, dans les années 80, il y avait tout un logo d'émission très, très techno qui passait juste avant les pubs ou pendant les pubs. C'est un hommage à ça, le nouveau clip de Justice. La photo la plus drôle jamais postée sur Internet, ça va être la dernière affaire qu'on va faire, je pense. Le gars a posté une photo sur eBay, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la photo lui-même et il était nu. Donc, on le voit dans le miroir sur sa photo sur eBay. C'est fou pareil. La pire blague que les parents ont jamais fait à un enfant, OK? Ils lui ont donné une boîte de Xbox 360. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des chandails. Regardez la vidéo. C'est absolument génial de voir ça. Il y a Hillary Clinton. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y avait des poupées sur Internet dans des bulles. C'était très, très, très à la mode de faire tomber ces gens en bas des bulles et pouvoir les manipuler et les toucher. Enfin bon, c'est maintenant avec Hillary Clinton. Allez voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans notre tour du net, il y a tellement d'affaires. Ah, une blague. Il y a des colocataires d'un gars qui ont fait une blague à leur ami et c'est vraiment, vraiment pas gentil avec des extraterrestres, mais vous allez voir, en tout cas, je vous révélerai pas la fin, mais il y a une surprise assez étonnante. Roommate Alien Prank Goes Bad sur lunchance.com. Un virus plug and play USB, c'est une clé USB qu'on met dans les MacBooks qui fait que tout devient physiquement la loi de la gravité commence à s'appliquer et tous les icônes et les barres de votre OS 10 commencent à tomber et c'est vraiment réaliste quand on penche l'ordinateur, c'est ce que ça fait. En tout cas, il y a aussi Hot Chicks with Douchebags, un site que j'adore, c'est des filles cute avec des espèces d'épais prétentieux, merdiques, comme tous les gens que je déteste dans la vie. Allez voir des photos de ces gens qui vont beaucoup trop se faire bronzer, qui font des signes de main de prétentieux à ma... En tout cas, si vous voulez savoir quel genre de gens je déteste, allez voir le hotchickswithdouchebags.com. C'est un site très populaire en ce moment. Une fille, une vidéo sur break.com d'une fille qui fait 21 accents différents. Un à la suite de l'autre dans une seule phrase. Très, très beau. Super Mario à la première personne. Vraiment génial, c'est un mode du jeu Half-Life 2. Un gars qui a créé une carte du premier tableau de Mario Bros. Et vu à la première personne vers l'avant en 3D. Très très beau Super Mario Brothers in first person. Un anneau de feu créé avec de la mousse pour les cheveux. Vous mettez de la mousse pour les cheveux sur votre table. Vous mettez feu à ça. Faites pas ça à la maison évidemment. Vous allez voir ce que ça donne dans Ring of Fire, la vidéo. Ensuite, un bon indice pour faire vibrer votre téléphone en premier. Et ensuite le faire sonner. Comme ça vous ne dérangerez pas. Mais si jamais votre téléphone est loin de vous, vous allez pouvoir l'entendre quand même au-delà de 10 secondes. C'est simple, vous n'avez qu'à faire un MP3 avec le silence dedans et envoyer ça vers votre téléphone, vers votre iPhone. L'article vous explique comment faire. Et puis finalement, un projecteur pour iPod vidéo fait maison. On vous explique comment faire via le lifehacker.com. Voilà qui fait le tour. Tiens, tant qu'à avoir dépassé, on a fait tous les sujets de l'émission d'aujourd'hui. Il va y en avoir quelques centaines. C'est tout pour la connexion pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je vous retrouve dans le poste d'écoute les vendredis matins à 10h et au Palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. Il y a des rediffusions. Allez voir le cifou.ca pour les connaître. La connexion, l'émission que vous écoutez en ce moment de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, est en direct les jeudis à 11h. On rappelle les mardis matins à 9h. C'est vrai. Ce qui nous suit le jeudi, c'est la dernière porte à gauche avec Kiwan. Si vous êtes le mardi, restez là pour les chemins de traverse, l'émission de cinéma. Mon nom est Mathieu Plante, de la part de toute l'équipe fictive de La Connexion. Faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance! dash.com